is the destiny of mankind. Bienvenue dans l'Instant Groove. L'Instant Groove, c'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, avec un K aujourd'hui. En passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds, c'est un invité à chaque émission qui vous fera découvrir son univers en live. Aujourd'hui, j'accueille Bruyant. Bonjour Bruyant, comment vas-tu aujourd'hui? Hello, hello. Bah moi ça va nickel, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va trop trop bien. Je suis trop honoré de t'accueillir ici, sachant que je t'ai rencontré il y a 6 ans. Ouais. Et je suis accompagné, non pas aujourd'hui de Lucie, dédicace à Lucie qui est en vacances, mais bien de Tom Bakers qui est venu dans mon émission précédemment. Bonjour Tom, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va très très bien, très content de participer à cette émission. Eh ben allons-y gaiement, que vas-tu nous proposer aujourd'hui Bruyant? Alors du coup aujourd'hui je vais vous proposer le set que je fais tout le temps, donc à savoir, en gros je vais vous passer mes tracks tout simplement, parce que du coup moi je m'identifie vraiment plus comme un producteur qu'un DJ, et en fait quand je suis en prestation, même si je suis en DJ set derrière des platines, je vais quand même en fait jouer que mes productions quoi. Incroyable. Et pas d'autres tracks. Eh ben c'est parti pour les productions de Bruyant. Allez. Sur l'Instant Groove. We'll be right back. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Bruyant. Alors là, ça galope sévère, ça commence très très fort. Ah bah, on a des petites acideries là, comme on aime. Et alors, Bruyant, j'avais une question. Pourquoi la musique ? Comment as-tu commencé à jouer de la musique, à produire de la musique ? Alors, moi, de base, mon père est musicien, il est guitariste de jazz. Et du coup, quand j'étais tout petit, il m'a initié à la guitare, et du coup je faisais déjà un peu de la musique plus acoustique, plus organique avant, et en fait je me suis toujours intéressé aussi moi de mon côté à la musique électronique, et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. En fait j'avais déjà touché à FL Studio quand j'étais plus jeune, genre au collège, au lycée, mais j'avais jamais rien fait de très concret. En fait c'est quand il y a eu le Covid et le confinement, que là en fait je me suis vraiment mis un coup de déter, vu que j'avais que ça à faire, hein, très clairement. Ah, je comprends. Merci le Covid. Ah bah ouais, en vrai pour le coup oui. Ça, c'est vraiment la révélation pour beaucoup d'artistes, le Covid. Ouais, surtout dans le style que je fais, il y a beaucoup d'un peu de nouveaux producteurs qui viennent justement de, qui sont un peu cette génération Covid, quoi. Il y en a plein qui ont commencé pendant le confinement et qui sont à peu près au même niveau de popularité, on va dire, que moi. Okay. Il y en a vraiment plein qui ont vraiment commencé sérieusement, tout comme au Covid. Et c'est quoi tes influences musicales majeures, du coup, là ? Alors, je dirais déjà la techno avec un K, mais tous les trucs un peu modernes, genre ce que fait Protoxyd, Vortex, Texas Cone, par exemple. Et sinon, en musique plus organique, je dirais que c'est le rock psychédélique, genre que j'écoute beaucoup. Genre, par exemple, en old school, je suis ultra fan de Pink Floyd. Oh. Et en rock psychédélique plus new school, il y a Naxatras ou King Gizzard and the Lizard Wizard que j'aime beaucoup. Incroyable. Ouais. Est-ce qu'on est reparti là ou tu veux je peux en non, vas-y, de toute façon, la track va bientôt être finie, donc allez. On peut repartir, je pense. On peut repartir ? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti pour Bruyant, cher auditeur. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove, toujours avec Bruyant. D'ailleurs, j'ai une question, mais d'habitude je la pose tout le temps et je sais pas trop, mais là je crois savoir pourquoi tu t'appelles Bruyant. D'où vient cette petite idée? Alors en gros, le nom Bruyant, il y a deux explications, on va dire, à ce pseudo. La toute première, c'est que en fait, quand je faisais mes études et que j'étais avec des gens qui écoutaient pas forcément trop de techno, les gens, c'était avant que la techno devienne vraiment aussi populaire qu'elle l'est maintenant. Ouais, les gens me disaient vraiment en mode ouais, mais c'est du bruit ce que t'écoutes, oui, le mec qui écoute du bruit. Et du coup, en fait, je me suis dit, vu que les gens ils me qualifient de ça, vas-y, je vais être bruyant, le mec qui fait du bruit. Donc ça c'est la première explication. Et la deuxième explication, un peu plus drôle, c'est que quand j'ai un petit coup dans le nez, que je suis un peu alcoolisé, je parle vraiment super super fort. grave. Mais ça du coup c'était pas l'explication de base, enfin de comment j'ai trouvé mon pseudo, mais au final je me suis dit en vrai j'ai bien choisi mon pseudo parce que voilà. C'est très drôle, je pourrais m'appeler Bruyant 2 je pense. Let's go. Excusez-moi. As-tu une anecdote à nous raconter sur un de tes DJ sets, ça soit bon, mauvais, les deux, ou drôle, quoi? Est-ce que t'as un truc, une pépite qui vient à l'esprit? Justement, ça date du week-end dernier. Là, j'ai joué à Lille. Ma patrie! J'ai joué à Lille au Black Lab, ça s'appelle. C'est une espèce de salle de concert. Et en fait, l'événement, il n'y avait pas énormément de monde, mais parmi le peu de gens qu'il y avait, il y avait quand même des gens qui avaient l'air d'être assez friands de mes tracks et de les connaître, parce qu'en gros, j'ai un side project Mentalcore avec un pote où on fait vraiment en gros. De la mentalcore mais en mode cauchemar, vraiment le but c'est de faire bader les gens quoi, avec des ambiances vraiment horribles. Et en fait il y a une track, c'est la dernière qu'on a sortie, où en fait il y a un espèce de petit bruit de pistolet, enfin en gros il y a un bruit de tir. Est-ce et d'habitude ce que je fais... Tu peux me le faire à la bouche ou pas? Ouais, le pouf. Ah, okay. Ouais, c'est un peu. Je vois très bien, c'est. Un peu bancal, mais. Faudra écouter sa track et puis on comprendra mieux. Voilà. Et en gros, généralement, ce que je fais, c'est quand il y a ce coup de feu, en fait, genre, je mime un pistolet avec mes mains et je tire sur quelqu'un dans le public. Je fais tout le temps ça. Et là, en fait, justement, à Lille, il y a un mec qui m'a regardé avant que je le fasse et qui avait déjà préparé le pistolet et qui m'a tiré dessus. Wow. Du coup, ça m'a fait trop rire parce que c'est vraiment le truc que je fais tout le temps. Et là, il y a un mec qui l'a fait dans le public. Le duel. Ah, mais ouais, c'est ça. C'est le ça. Premier vrai fan lillois. Ça m'a fait plaisir parce que coup, ça m'a vraiment. Enfin, là, je me suis vraiment dit, ah ouais, ok, putain, le mec, il connaît vraiment les sons. Il et voilà. Ouais. Parce qu'en plus, généralement, j'ai du mal à tirer au bon moment. En fait, il y a un bruit de rechargement et après, ça tire, mais le tir est un peu pas décalé, mais il arrive à un moment un peu bizarre. Et d'habitude, je le fais tout le temps un peu en décalé. Et lui, il l'a fait parfaitement sur le temps, tu vois. Donc, incroyable. J'étais limite jaloux. Et c'est surtout pas l'alcool qui te le fait en décalé. je ne souhaite pas répondre. Excellent. Si tu pouvais collaborer avec un artiste de rêve, lequel ce serait? Alors, mort ou vivant? Alors je pense mon collaboration goal, ce serait vraiment Protoxyd, parce que à mon sens c'est un peu le mec qui a mis sur le devant de la scène toute cette vibe techno avec un K, que nous on appelle New School avec mon label, mais ouais du coup qui en soi en mode la techno avec un K, bien, enfin c'est un peu radical ce que je dis, mais bien produite dans le sens où il y a vraiment, le niveau de production élevé, il y a des bons mixages, des bons mastering, des designs intéressants. Et ouais, c'est un peu lui qui a un peu apporté le truc là, et puis même globalement, j'adore ce qu'il fait, quoi. Donc ouais, je pense vraiment si là j'ai une collaboration, la collaboration qui m'intéresserait le plus, ce serait de travailler avec lui. Un Protoxyd. Je connais pas, j'irai écouter. Et justement, un lieu où tu rêverais de mixer toi seul ou peut-être en B2B avec Protoxyd? Alors, un lieu où je rêverais de mixer, je pense que ce serait à Gand, en Belgique. Il y a un lieu, c'est le... Compass Club? Pas celui-là? C'était pas vraiment un club, c'était un espèce de lieu en mode open air. Après, peut-être que ça fait partie du complexe là. Peut-être pas, je sais pas. Mais... je suis désolé, j'ai oublié le nom. Mais en gros, c'est les Acidelix, ils font souvent des événements là-bas. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une sonorisation genre à 360 degrés. Donc en fait, il y a vraiment du monde tout autour de l'artiste. Quoi. Incroyable. T'es vraiment dans une... Ouais, dans une dans une surface 360 quoi. Peu importe où t'es en fait dans le carré, on va dire. En fait, tu pourras entendre le son. Et toi, t'es au milieu en tant qu'artiste, c'est ouais, ça et toi, t'es en mode boiler un peu. Ouais, un peu en mode boiler room. Ouais, boiler room, ouais, c'est vraiment en mode ouais, mood boiler room, on va dire. Donc tu rêves d'aller à la boîte à gants. Ouais, bah voilà. La boîte c'était à gants. Bon. Ah, il est bon. Il est bien bon. Ça. Et ben, chers auditeurs, on continue avec Bruyant qui parle très fort quand il a pu. Comme moi. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove sur Radio Fadjet. Il doit être 20h26 actuellement. Vous êtes en plein Bifort un samedi soir et vous allez en soirée sûrement après, car là, on se fait laver, purifier par Bruyant. Bruyant, tu me disais hors antenne que tu avais tout appris toi-même. Tu es donc un autodidacte. J'aimerais savoir ce que tu aimerais dire à des personnes qui veulent se lancer dans la musique. qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Alors, si je dois donner vraiment un conseil à tous les gens qui débutent, c'est de surtout, genre, jamais lâcher, parce que vraiment, c'est quelque chose de super, super, super compliqué. Et en fait, ça passe beaucoup par des paliers, je trouve. En fait, c'est au tout début, tu commences, bah voilà, tu vas réussir à rien faire, ce qui est normal. Après, tu vas commencer à réussir à faire quelque chose. Du coup, tu vas passer un premier palier. Ensuite, tu vas stagner parce que du coup, tu vas avoir, t'as découvert un certain truc qui t'a fait progresser. Mais après, tu vas peut-être trop te reposer sur cette technique. Du coup, ça va pas te faire progresser non plus. Donc, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est vraiment de tryhard. En vrai, c'est comme n'importe quelle discipline. En fait, c'est vraiment que du travail. Hein, parce que même si tu vas avoir des cours qu'on va te donner des astuces pour vraiment réussir à t'améliorer. Ouais, ou ce que tu disais, d'avoir des amis aussi qui sont DJ. Ouais, parce que moi j'ai pas mal d'amis producteurs avec qui bah du coup on a pu s'échanger des tips et du coup se faire progresser mutuellement. Mais dans tous les cas en fait, même si on t'apprend des trucs, bah il y a que toi et toi-même qui va vraiment réussir à pouvoir t'améliorer parce que bah voilà, si on te dit ouais bah faire comme ça et que toi que tu réappliques juste bêtement les conseils et que toi tu vas pas un peu chercher aussi de ton côté comment tu pourrais même réussir à créer ton identité sonore, parce que pour moi aussi le but ultime pour moi d'un artiste musical, c'est pas de faire tel ou tel style, c'est de réussir à avoir sa patte, son identité sonore à un moment donné. Et ça c'est le plus compliqué parce que même moi j'étais beaucoup inspiré par un artiste de techno avec un cas aussi qui s'appelle Yanou qui faisait pas mal d'acidcore avant, et j'aimais beaucoup j'étais super fan et je m'en inspirais beaucoup et pareil bah lui j'ai eu la chance de faire un Discord avec lui une fois où il m'avait un peu expliqué le VST Serum et du coup ça m'a fait un espèce de déclic où je dis ah ok ça marche comme ça, puis après bah voilà moi j'ai expérimenté de mon côté et trop bien. De là voilà, mais c'est vrai qu'au début on me disait beaucoup en mode ah bah, ça ressemble beaucoup à Yanou ce que tu fais. Après c'était pas mon objectif quoi, je voulais forcément j'ai été inspiré par ce mec mais voilà je voulais quand même réussir à créer mon truc. Mais ça pareil c'est un truc qui se fait avec le temps quoi. Ça prend du temps. Ne jamais rien lâcher, avoir sa patte et avoir aussi des amis DJ quoi. ça aide. Après c'est facile à dire, mais moi très clairement au début je devais passer 10 heures par jour sur FL Studio, hein. Vraiment j'ai comme un gros porc, hein. Le charbonneur. Ah bah ouais, mais après voilà, c'est comme ça qu'on s'améliore et voilà. Ah, c'est réel. J'avais une question, comment tu fais pour gérer le stress avant un DJ set? Alors, processus. Honnêtement, ça c'est assez compliqué. Il y a un moment donné où je picolais vraiment beaucoup avant de jouer. Ne faites pas ça. C'est pas du tout la solution. Mais le truc, c'est qu'en fait, le stress c'est vraiment compliqué à gérer. Et non, je pense que là maintenant, t'es bon là. Ouais, même pas, en vrai ça dépend, parce qu'il y a des moments où je vais pas être stressé et où voilà du coup ça va bien se passer, d'autres moments où je vais être stressé, du coup je vais avoir l'impression de faire de la merde. En fait là le stress il se génère plus quand j'ai l'impression de rater quelque chose et où, du coup après je suis constamment en panique parce que je me dis putain j'ai continué de faire n'importe quoi. Ouais, ça s'accumule après. Ouais, mais après en soi il y a plein d'erreurs que je peux faire, c'est des trucs que personne ne va jamais remarquer quoi. En fait, c'est juste moi qui suis très très pointilleux sur plein de trucs et en fait c'est comme quand je fais quand je design des éléments, genre des kicks par exemple, qui sont un peu vraiment la colonne vertébrale d'une track techno avec un K. Je passe des fois 2 heures à juste mettre un EQ et à baisser en mode un tout petit bruit là de 2 décibels et tout, mais c'est un truc que personne ne va entendre, tu vois. C'est juste moi dans ma tête, je fais maintenant ça, faut que ça dégage, quoi. Okay. Regardez. Et ouais, voilà. Et du coup, pour revenir à la question du stress, en vrai, honnêtement, là avec le temps, ça va un peu mieux. À force de faire, voilà, on s'habitue au truc, mais. Après, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de vrai cheat code pour gérer le stress, quoi. Juste, je pense, être en bonne santé, faire du sport et tout, être bien dans sa tête, ça peut aider beaucoup. Mais bon, après, des gens qui sont énormément stressés, ça marche quand même. ça marche, mais voilà, après, il y a des gens juste qui sont stressés de nature et voilà, il faut qu'ils apprennent à faire avec et voilà. Une petite dernière avant de reprendre avec Bruyant. C'est la première fois que je reçois un artiste qui met quelque chose sur sa tête. Je sais qu'il y a Aet Model, Spalowski qui mettent par exemple des foulards, ça. D'où ça vient et pourquoi tu fais ça? Alors moi de base, la cagoule, c'est parce que j'étais super fan d'un style qui s'appelle l'EBM. qui est l'Electronic Body Music, à pas confondre avec EDM, attention, hein, ça, le BM c'est vraiment un sous-genre de techno, genre ça fait, enfin en gros, le style se caractérise genre par des basslines genre un peu électriques et assez agressives et qui, ça fait un peu musique de jeux vidéo en fait, mais tout en gardant ce style techno super dark, enfin techno du coup super, super dark, et en fait dans ce milieu-là, bah, y a pas mal de gens qui sont masqués, et du coup je me suis dit bah allez pourquoi pas moi aussi je vais mettre un masque. Du coup j'avais pensé à la cagoule, et voilà, rouge. La cagoule rouge, bah rouge c'est ma couleur préférée, et du coup je me suis dit en fait bah du coup je vais un peu construire toute cette direction artistique autour du rouge quoi, et c'est pour ça que la plupart de mes tracks tout ça bah pareil y a une grosse nuance de rouge qui ressort. Vous pouvez aller voir ça chers auditeurs, on en parlera après. C'est parti pour Bruyant, on continue. We'll be right back. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove. Alors j'avais une question, Bruyant. C'est quoi ton morceau fétiche, ton morceau préféré que tu passes, t'es fier de le passer? De mes productions, du coup. Ouais, tes productions. Alors je pense que ma track fétiche là, c'est Berserker. Donc c'est une track que j'ai sortie au mois de février. Okay. Parce qu'en fait, cette track, bah, du coup, elle est inspirée du manga Berserk, dont je suis archi fan. Genre avant, mon œuvre de fiction préférée, c'était Orange Mécanique. Et en vrai, quand j'ai découvert Berserk, je suis devenu... L'histoire est, l'histoire est vraiment trop ouf. Et en fait, ce que j'ai fait sur cette track, c'est que bah, du coup, bah, déjà, la cover et le titre sont inspirés du coup de l'univers de Berserk. Et en fait, l'audio, l'espèce de chant là, orchestral, c'est une chanteuse d'opéra russe qui reprend a cappella le thème de Dark Souls 3. Et Dark Souls 3, c'est la suite des jeux Dark Souls, donc tous les jeux du studio From Software, en fait, ils sont énormément inspirés de la série Berserk, qui a plein de références à Berserk. Et du coup, bah voilà, en vrai, pour moi, c'est un peu l'hommage que j'ai rendu à ce manga, quoi. Et c'est tu l'as passé aujourd'hui là? Ouais, c'est la première track que j'ai jouée. Ouais. Généralement, c'est ma track. Allez, on rembobine, chers auditeurs, vous pouvez l'écouter sur podcast. Je suis un grand fan de cuisine et de boissons, pour pas dire que je suis un grand gourmand. Avec quoi ton set il se marierait le mieux niveau nourriture et boisson? Un plat, une boisson, dis-moi tout. Bien sûr, tu vas me dire de l'eau. Non, en vrai, en boisson, je dirais... Vas-y, moi je suis un... J'aime pas trop tout ce qui est sucré, mais j'ai un petit péché mignon, c'est la Monster Mango Loco. Ok. Donc voilà, je conseille d'aller boire cette boisson, elle est délicieuse. Donc je dirais, je marierai mon set avec ça, parce que c'est une boisson énergisante et j'estime que mes sets sont assez énergiques. Non. Donc, voilà. Non, du tout. Et en plat, je sais pas, je dirais une pizza. Mais avec plein d'éléments différents, parce que pareil, vu que dans mon set, bah voilà, il y a plein de tracks au mood un peu différents, même si globalement, ça reste, enfin, il y a une grosse partie du set, c'est des tracks un peu mélancoliques, genre il y a quand même des tracks en mode un peu mood oriental, des trucs un peu plus expérimentaux. Du coup, je dirais une pizza, parce qu'en soi, tu peux mettre ce que tu veux dedans, tout le monde est content. J'ai faim et j'ai soif. Ouais, bah, voilà, nickel. J'avais une question aussi, c'est quoi ton plaisir coupable en musique? Bah, mon plaisir coupable en musique, bah, je dirais, c'est le rock psychédélique. Genre, vraiment, c'est le style que... Bah, y a la techno avec un K aussi que j'affectionne énormément, mais je pense que le style que j'affectionne le plus, c'est le rock psychédélique. Bah, par exemple, ma track préférée de tous les temps, tout style confondu, c'est Atom Earth Mother Suit de Pink Floyd. Ouais. C'est la première track de l'album avec la vache. Donc, je vois. Ouais, qui est vraiment ma track préférée de tous les temps. Et bah, du coup, en vrai, souvent, quand je suis énervé, par rapport à quelconque événement qui m'a trigger, bah généralement ce que je fais, c'est que je me pose dans mon lit, je mets mes écouteurs, j'écoute cette musique, je ferme les yeux et voilà, après 25 minutes normalement je suis apaisé. C'est le morceau remède. Ouais, non mais vraiment c'est ça. C'est Est-ce ça. Que tu as des fans, des personnes qui te suivent depuis le début? Qui me suivent, bah des gens vraiment qui me suivent depuis le début, je dirais mes amis les plus proches, quoi. Et notre ami Nathan qui nous interviewe ici même. Mais potentiellement, des gens, surtout des gens que je connais ici. Après, je commence à avoir pas mal de personnes qui me suivent pas depuis le début, mais qui me suivent depuis un certain temps, et souvent qui m'envoient des messages et tout. Trop bien. Et ouais, du coup, ça fait plaisir. Et justement, c'est le moment un peu... Est-ce que tu as un petit mot doux à leur dire? C'est le moment un peu love, tu vois. Ah ouais, bah merci beaucoup de me suivre depuis mes débuts. Sans vous, je ne serais rien. Et c'est pour ça que jamais je ne snobberai les gens de ma... Enfin, je ne snobberai jamais mon public. Parce que pareil, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, que j'aime bien raconter. Une exclue. C'était avant de faire de la musique, je commençais à mixer, mais je faisais pas encore de production. Genre, j'étais allé à Paris et j'étais allé voir un artiste justement de BM, là, le style dont je parlais, dont je parlais tout à l'heure. Cagoule, le style cagoule. Ouais, le style cagoule, voilà. Mais lui n'était pas cagoulé pour le coup. Mais ouais, c'est un artiste qui n'était pas archi connu, hein. Il avait 1000 abonnés sur SoundCloud, quoi, mais j'aimais bien ce qu'il faisait, il se produisait sur Paris. Du coup, j'étais allé le voir. Et à la fin de son set, bah, j'avais voulu, en mode juste, tu sais, avoir un contact avec lui, juste pour lui dire, bah mec, c'était cool, merci, tu vois. Genre, et du coup, il a commencé à sortir. Je lui ai tapoté l'épaule une première fois, juste pour vraiment créer un eye contact pour, bah, du coup, qu'il me regarde, et après lui dire, bah mec, c'était cool, merci. Il m'a complètement ignoré. Je lui ai retapoté l'épaule une deuxième fois, encore ignoré. j'ai fait une troisième fois, tu vois, en mode, mais what the fuck, tu te prends pour qui, tu sais plus, tu vois. Il m'a encore ignoré. Et c'est vraiment, en fait, ça m'a choqué, genre, ouais. Parce que surtout, en plus, ce mec, je suis beaucoup plus connu que lui, là, à l'heure actuelle. Ici, c'est Paris, donc, quoi. Ouais. Non, mais un peu dingue, enfin, ouais, je trouve ça. On aime les Parisiens quand même, c'est bon. Ouais. Enfin, je l'ai été 2 ans, donc oui, ça voilà. Mais ouais, voilà, c'était une histoire qui m'a vraiment touché. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, mais jamais je snobberai des gens. Parce qu'il portait pas de cagoule, ça. Ouais, voilà, c'est parti de la famille. C'est ça, c'est ça. Quelle est ta prochaine soirée et où ? Alors du coup ma prochaine soirée là c'est ce week-end à Paris. Bah du coup là en fait les gens là qui seront en train d'écouter on le podcast taper sur l'épaule. Ouais, bah ce sera le jour même, le jour à Paris. Ouais. Bah après c'est un open air qui commence à 13h et qui finit à 1h. Ah, donc bien. La soirée aura déjà bien, ah, oui, oui. Bien commencé, mais ouais du coup là c'est à Paris, c'est un gros open air de scène où il y a des gros artistes. Tu joues à quelle heure ? Je joue de 22h30 à 23h30 sur la deuxième scène. Du coup okay. Je suis avant-dernier sur la deuxième scène. Est-ce que tu as un mantra ? J'aime bien le mot mantra, ça fait très psyché. Une devise, ouais. Une devise qui résonne en toi, qui te suit dans ta vie. Ou maintenant, tu vois que t'as découvert depuis une semaine et puis ça te suit, quoi. Bah, ce serait ouais de rester humble surtout, de pas prendre la grosse tête. comme je l'ai expliqué en fait avec l'anecdote juste avant, ouais, c'est. Même si voilà, s'il commence à avoir de la notoriété ou qu'il y a des compétences, bah ça. On reste des êtres humains malgré tout et voilà, c'est pas une raison pour péter plus haut que son cul, quoi. Faut savoir garder les pieds sur terre. Tu l'as ton mantra. Voilà. Pour éviter de péter plus haut que tu parles. Dealer. C'est bien, non mais c'est bien, c'est une très bonne mentalité ça. Surtout que la musique c'est le partage. Donc, bah oui, c'est clair. Après, voilà, je peux comprendre qu'il y ait quand même ce truc de t'as pas. Enfin, à un moment donné, quand tu deviens vraiment très connu, voilà, que t'as pas forcément le temps ni comment dire la capacité sociale on va dire de gérer en mode autant de gens comme ça, mais c'est pas une raison pour snobber les gens et être désagréable, pas les respecter derrière, ouais voilà c'est ça carrément. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, c'est fini pour l'instant Groove avec Bruyant, mais ça continue, il reste encore une petite dizaine de minutes. Je suis honoré de t'avoir accueilli ici, c'était vraiment un vrai plaisir. Cool. Moi de même, merci beaucoup pour l'accueil, cool. C'était vraiment cool. Et merci à toi Tom d'être venu. Un plaisir. Tu reviendras. Ah bah oui, j'aimerais bien, ça m'a fait plaisir. Toi cool. Aussi tu reviendras. Ah bah ouais. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est parti pour Bruyant.